miroir ovale en poudrant mon corps. Dans ma loge, tantôt bleu, tantôt rouge, je revois au fond du miroir ovale, contemplant mon corps. Tantôt mauve, tantôt vert, toujours et encore, je revois les feux qui dansent dans ses yeux, dans mes yeux. Je revois les feux changeant, reflets sur mon corps, comme les feux qui dehors dansent, tantôt rouge, tantôt bleu, lettres de néon immenses écrivant mon nom. Tantôt rouge, tantôt bleu, dans le ciel profond, tantôt rouge, tantôt bleu, écrivant mon nom. Puis ce nom très sinueux, dessinant mon corps, dans le ciel tout en or long et langoureux. Il me disait, tu es dans ma vie, un petit arc-en-ciel. Comme je te trouve jolie, toute mauve irréelle. Il me disait des mots si tendres, tantôt mauve, tantôt bleu. Des mots si doux à entendre, que j'en fermais les yeux. Maintenant devant mon miroir, quand je mets du rimmel, tantôt mauve, tantôt bleu, tantôt vert, je pleure. Au fond du miroir ovale, en mettant mes bas, tantôt mauve, tantôt vert, toujours je revois. Le petit feu clignote et danse, ça y est, c'est mon tour. Sur la scène, je m'avance, en fermant les yeux. Des couleurs en transparence dansent tout autour. Tantôt rouge, tantôt bleu, mauve et irréel. Tantôt mauve, tantôt vert, au cœur de la nuit. Tantôt rouge, tantôt bleu, palpitant sans fin. Et la chaleur de ses mains dans ses feux qui dansent. Tantôt rouge, tantôt bleu, ah que nous étions bien. Les yeux fermés, je me balance. Comment vivre sans lui? Comment me passer de mots tendres, des mots d'amour heureux? Ces mots, je ne cesse de les entendre. Comment vivre sans lui? Ces mots si doux à entendre, et je ferme les yeux. Et je vois les feux qui dansent, tantôt rouge, tantôt bleu. Et je vois les feux qui dansent, tantôt rouge, tantôt bleu. Tantôt rouge, tantôt bleu.